Nous vous remercions de votre hospitalité. Nous remercions le musée départemental Arts Antiques et l'École française de Rome pour nous avoir invités. Et quelques mots pour expliquer que ce titre, quelque peu présomptueux, ne peut pas être entamé en profondité puisque nous avons très peu de temps. Mais de toute façon, on a décidé de partager cette réflexion en deux parties. La première va explorer le thème d'une géographie largement spontanée de ce grand territoire qui est le territoire de Rome, notamment sur des aspects qui concernent l'agriculture et le secteur créatif. La deuxième partie, ce sera moi à vous montrer ça, concerne une géographie qui se veut volontaire. C'est-à-dire, c'est la géographie qui est mise en place par l'administration publique, notamment dans un endroit spécifique qui est qu'on peut appeler la tête, le cœur, le nœud central de ce grand espace qui accompagne le Tibre de Rome à la mer, parce que on va voir surtout les aspects qui concernent cette partie de ce grand territoire de Rome. Je laisse la parole à Katie Lello. Merci. D'abord, je m'excuse pour mon français. Je vais essayer, mais j'espère que ça sera compréhensible. La tendance à la dispersion des activités de production émergées avec la mondialisation et la télématique a alimenté au cours des 50 dernières années des processus qui sont en train de changer la structure des régions métropolitaines dans le monde entier. Alors que la production dépasse les frontières nationales en grandant l'expansion vers des ressources mondiaux, les services ont la tendance à être concentrés dans un nombre limité de villes, bien connues comme des villes globales. Avec référence au grand territoire de Rome, un premier aspect dans le cadre du processus général de métropolisation concerne les caractéristiques, la structure et les tendances d'un espace hybride tout autour de la ville consolidée, surtout dans son secteur ouest, vers la mer, qui va jouer un rôle primordial dans la réorganisation des fonctions urbaines et dans les politiques de logement. Ça, c'est le territoire de l'Agro Romano au début du XXe siècle. La plupart maintenant est entrée dans la municipalité de Rome. Voilà, c'est le territoire de la municipalité de Rome. Et celui-là, c'est le territoire de l'Agro Romano. Et pour cette raison-là, le territoire de la municipalité de Rome a une dimension vraiment très, très vaste. La dimension vaste et l'absence de limites physiques a déterminé une forme urbaine complexe. Et la lecture des différentes phases de l'occupation de sol met en évidence un phénomène presque naturel de débordement urbain sur un concentrique toujours plus entendu. L'érosion de la campagne romaine a eu lieu dès le début, selon des processus soit spontanés qu'autorisés, des établissements dispersés liés à la vocation agricole qu'on voulait promouvoir, comme les faubourgs ruraux, comme les centres de colonisation agraire, des taudis aux habitations de fortune, les banlieues institutionnelles, etc. Des formes différentes de colonisation de l'agro. Rome a une région agricole très importante. Et suffit dire que la moitié du territoire de la municipalité de Rome est territoire agricole. Ça, c'est une illustration des transformations du secteur agricole et des morphologies, des transformations dans la longue durée, années 50 jusqu'au présent. Et on peut voir, on n'a pas du temps à commenter tout ça, mais on peut voir cette expansion pour cercle concentrique de la forme urbaine et l'érosion progressive du territoire agricole. Et ce sont les variations démographiques entre les années 2000 et 2011, les census, qui montrent des régions dynamiques, qui sont celui-là, et Rome est presque constante, et cette région dynamique ont augmenté leur population. Ça, c'est aussi... expliqué aussi par la variation, les tendances des prix des immeubles qui vont augmenter dans ces régions qu'on a décrivées comme régions dynamiques, où la résidence est prévalente. Si on voit le numéro des entreprises agricoles, on voit l'exact contraire. On voit que le numéro des entreprises agricoles diminue dans les régions qui sont dynamiques. From le point de vue de l'augmentation de population. Comment on se dit? Démographique. Et maintenant, le système productif. Le système productif, ici, on a le niveau de production en euros. C'est une valeur numérique. Donc, on n'a pas la disposition, on ne voit pas la disposition de toutes les entreprises, qui serait une disposition très concentrique, mais on voit où les lieux qui produisent le plus. Oui. Et on voit une disposition clairement liée à l'accessibilité. Et on voit aussi le territoire du Rhum vers la mer qui a des spots qui produisent de plus. La densité économique des employés, pardon. Elle montre aussi un pattern concentrique, mais qui va vers le sud. Ça, c'est le raccord anulare et le Tibre, Eur. Et aussi... Questo è Ardea, no? C'è un parto, è Fiumicino. Donc, une clé privilégiée pour interroger l'économie locale est l'analyse du secteur créatif. Créativité comme facteur de la compétitivité dans l'économie du savoir, comme source de revenus et d'emplois, offrant des opportunités pour des politiques territoriales capables d'augmenter la qualité urbaine. Ici, on a la densité économique des créatifs. Et on voit clairement cette région de Rome qui a un share, comment se dit, un share de créatifs importante. On n'a pas du temps pour parler en détail des entreprises créatives, mais en Rome, on a une 10% d'économie locale qui est liée avec des métiers créatifs et un 20% d'activités qui sont de support à ces entreprises. Et ces numéros sont tout à fait similaires avec les les features pour les grands comment se dit capitales européennes. Et ça, c'est une image des entreprises créatives dans le morceau de territoire de, qui va de Testaccio, centre vers la mer. Et ce qu'on a vu, bien, quelque chose qui est caractéristique des créatifs, et que sont la plupart de ces entreprises sont entreprises individuelles. Mais si on compare la région d'études, la région de Rome à la mer, on voit que il y a les entreprises de grandes dimensions sont un peu de plus. Ce qu'on a trouvé en regardant à sept secteurs est que les entreprises de video game and software sont presque 50% de tout le territoire métropolitain. Il y a vraiment une grande concentration de ce type d'entreprise et les employés sont 70% de tout le territoire métropolitain. Donc on peut parler d'un vrai et propre cluster de video games dans ce territoire. Et ça, à notre avis, est un phénomène qui mérite d'être approfondi. Et je vais donner la parole à Anna. Donc, ça, c'est ce qui se passe dans le territoire du Delta, prendre point de vue de la campagne. Donc, l'érosion des surfaces agricoles à œuvre de l'urbanisation qui avance. Et maintenant, je donne la parole à Anna. Qu'est-ce qui se passe dans le coin entre Rome et la mer par rapport à ce qui se passe dans la ville de Rome? Il y a eu, dans les dernières 20 années, des phénomènes d'une certaine ampleur. La montée en puissance de la commune de Fiumicino, son attraction croissante est celle du secteur sud de la ville de Rome, pour des fonctions d'excellence, telles que la nouvelle Fiera di Roma, et l'extension de l'aéroport, et un port touristique, soi-disant touristique, et tout ça. La nécessité de relier les deux côtés du Tibre entre Rome et la mer, qui est questionnée par l'inauguration du nuage à l'Eur, qui est un centre congrès, qui est censé être ouvert peut-être l'année prochaine, par le couloir intermodal Roma Latina et par le nouveau stade de la ville de Rome qui a monté de puissance avec la dernière administration. On n'en avait pas trace de tout ça avant. Et la décentralisation administrative est le nouveau protagonisme social des arrondissements. Ici, on a des images que je vous montre seulement pour vous dire que cette plaine entre Rome et la mer a été questionnée même par Garibaldi juste après l'unification de l'Italie. Et ensuite, je viens à ce thème des patterns, des modèles ouverts ou fermés qui se sont juxtaposés dans la ville de Rome. Ici, plus que de modèles, on doit parler de situations. Il y a 100 ans, on imaginait que la ville pouvait s'agrandir comme une tache d'huile. Et alors là, il y a des différentes limites à son expansion. Plus tard, aux années 40 du 20e, on allait penser que la ville, que cette plaine pouvait être bâtie parce qu'il y avait là l'idée de mêler de quelque façon les différentes fonctions, agriculture, industrie et évidemment la résidence. Voilà, ça c'est un modèle ouvert, lié même à l'idée de la navigabilité du fleuve et tout ça, la voie d'eau, comme Tibre comme voie d'eau et tout ça. Maintenant, en notant, la géographie volontaire, la plus importante, est celle qui a été entamée aux années 90 par l'administration de Rome. Elle est liée à l'idée de projet urbain, issu d'une idée française que peut-être vous connaissez très bien. Et nous avons essayé de vous imiter avec l'idée d'amorcer le renouveau, la régénération urbaine, en utilisant l'université de Roma Tre comme pour ses équipements. Et là, vous pouvez voir la différence entre les trois universités de Rome, le modèle des City University. Alors, il y avait cette idée de City University, université dans la ville, qui a été poursuivie comme un facteur distinctif en termes structurants de l'aménagement, par opposition au modèle traditionnel que vous voyez là, des citadelles clôturées, la très petite là-haut. C'est Roma 1, la Sapienza, et le campus à l'américaine, Roma 2 et Tor Vergata, quelques 600 hectares de surface agricole. Hein. Ainsi qu'en termes d'écoute du contexte local et des sollicitations au développement d'équipements destinés à la population résidente dans l'arrondissement. 140 000 habitants dans l'arrondissement qui nous concerne. Alors, c'est un projet que vous voyez là, qui avait des objectifs. Il entamait des thèmes et des lieux spécifiques. J'espère avoir encore un peu de temps. La redéfinition de la mobilité routière et ferroviaire avec la réalisation des quais du Tibre et la transformation de la Via Ostiense en promenade urbaine. Le réaménagement des berges du Tibre avec la création d'un parc tout au long du secteur urbain et un jardin botanique à la hauteur de Valco San Paolo. Le projet n'a pas encore démarré. La réalisation de la Cité des Arts dans l'ancien abattoir Mattatoio, où la faculté d'architecture s'est installée avec l'Académie des Beaux-Arts et le Musée d'art contemporain. L'emplacement des établissements de l'université intégrés au tissu préexistant le long de la Via Ostiense et dans le méandre de Varco San Paolo, installé dans les murs des anciennes usines, ou bien à la place de bâtiments démolis comme l'ancienne usine de verre. Et maintenant, là, nous avons quelques images de cette modernité inachevée, comme on l'a définie. La définition d'un ensemble muséal dédié aux sciences avec une grande bibliothèque. Rien de tout ça a été réalisé. La soi-dite cité des sciences, dont le pivot aurait dû être le casomètre que vous voyez là-bas. On a maintenant la passerelle homonyme que vous pouvez voir, alors que le casomètre n'a pas connu de réhabilitation, à cause, on a dit, des hauts coûts dus à la pollution des terrains. Seul l'ancien bâtiment de la centrale électrique Montemartini a été transformé, peut-être, non, on n'en a pas, a été transformé en espace d'exposition pour le musée du Capitole. La pression foncière sur cet endroit est très élevée, comme vous pouvez l'imaginer, et l'idée de la Cité des Sciences s'étant abandonnée suite au coût de dépollution de quelques hectares de sol industriel et de réhabilitation des bâtiments lié au gazomètre, la volonté affichée est maintenant d'aménager les deux berges pour une mobilité douce. Et jusqu'ici, il y a seulement le pont des sciences, la passerelle qu'on vous a montré. Et il y a même quelques remarquables silhouettes de l'archéologie industrielle qui vont être éliminées suite au risque d'écroulement. Mais la surintendance n'a pas jusqu'ici annulé la contrainte, c'est-à-dire qu'on ne peut pas démolir parce qu'il y a une contrainte. Il en sort que l'accessibilité entre les deux rives, qui ont été très peu aménagées, en est compromise. Enfin, il y a des attentes liées à ce que vous voyez là-haut, qui aurait dû être la cité des jeunes, destination finale des anciennes halles. On souhaitait des installations pour les jeunes, telles qu'un grand multiplex, un grand centre commercial et quelques équipements pour le quartier. Après une halte du chantier d'une dizaine d'années, l'idée d'un complexe multifonctionnel va être reprise dans un sens plus attentif aux tendances du marché, entre guillemets. La mise en œuvre imminente du Capitole 2, c'est-à-dire le nouveau siège de la commune de Rome, tout près du terminal ostien, qui est maintenant devenu un véritable lieu d'attraction en tant qu'Italie, l'expo des produits d'excellence de notre industrie alimentaire. Mais on pourrait continuer comme ça, avec ce qu'on a déjà fait et ce qu'on est en train de faire comme siège du nouveau rectorat dans l'endroit d'une ancienne usine, ou bien dans le ex-abattoir, qui est maintenant la faculté d'architecture. Je dois savoir si j'ai encore 10 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Alors, ici, la volonté affichée était de réaliser une connexion entre les deux rives en ouvrant comme promenade un parcours à l'intérieur de l'enceinte de la Cité des Arts. Vous pouvez voir, là, il y a le Tibre. Les deux endroits, en haut et en bas, sont liés seulement par un parcours intérieur. Cette rue intérieure doit, dans l'intention de l'administration, être valorisée de quelque façon. Quelques remarques. Le processus de transformation de la ville et de l'université, très entremêlé et assujetti à la procédure de l'accord du programme, ont jusqu'ici échoué en ce qui concerne une véritable qualité des espaces qui devrait s'appuyer aussi à une judicieuse mixité des fonctions. Par la manière même où est organisée la chaîne de la régénération, sa mise en œuvre a été réalisée par des juxtapositions entre des différents tissus qui font référence à un échantillon hétérogène et à des proximités aléatoires entre les espaces existants. Une ville pêle-mêle et une dissonance qui sont aujourd'hui une valeur négative et qui pourront être absorbées ou améliorées seulement par un traitement de l'espace public reconnu comme facteur central des continuités urbaines. Alors, quelques conclusions. Je pense que je dois arriver aux conclusions. On avait d'autres échantillons de ces changements d'idées, parce que nous n'avons pas ce que vous avez, le portage. Le portage en Italie n'existe pas. On change administration, on change d'idée. Là, on a, vous voyez, sur un endroit qui n'était pas, même pas pris en considération dans l'idée du polycentrisme que Katie vous a rapidement montré au commencement. Là, maintenant, on a prévu, après le plan de 2008, une nouvelle centralité qui est le grand stade de la Rome. C'est l'équivalent du grand stade de France, peut-être. Vous voyez le traitement avant et après l'idée de notre administration. Là, il y avait une idée de résidences, de haute valeur environnementale, et ensuite on a changé l'idée. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que ça signifie en termes de trafic, de mobilité? Et tout ça, ça est évidemment une idée, à mon avis, redoutable. Voilà, on avait même des images d'un autre endroit dont on va parler plus diffusement demain. Alors, j'arrive aux conclusions, des conclusions spécifiques et des conclusions générales. Les enjeux dans ce secteur urbain touchent des différentes échelles et niveaux problématiques sous le poids d'un héritage parsemé et complexe, où les Tibres, comme voie d'eau, est l'élément d'une histoire et d'un mythe inépuisable, mais totalement inexploité jusqu'à maintenant. La politique urbaine a des cours et des recours liés au processus des décisions qui vont se disperser le long de trajectoires à peine gouvernées par le faible canevas de l'aménagement urbain. Et une conclusion plus générale et peut-être plus positive. La périphérie fragmentée peut supporter et déjà supporte l'enracinement du secteur des créatifs. Mais il faut dire, de toute façon, que cette croissance spontanée entre Rome et la mer est largement responsable du mitage et du morcellement de ce grand territoire. Alors, il faut gouverner. La deuxième conclusion, le cluster créatif peut fournir un levier pour le développement économique local, la régénération urbaine, l'attractivité territoriale. Et la troisième, l'enjeu qui nous attend est de traiter ces campagnes urbaines dans le cadre d'un processus plus complexe de l'organisation spatiale de l'habitat, des filières de la production et du travail. Je vous remercie et j'espère qu'on pourra ensuite parler si vous avez des questions.